Dis-moi tout, troisième niveau. Documents oraux. Centre brun. Leçon 2. Activité 2. Les animaux de la forêt. As-tu vu le castor dans le lac, sa queue plate fait flac? Le castor dans le lac qui s'amuse en faisant flac. As-tu vu l'écureuil qui s'enfuit, il se cache dans son nid? Le castor dans le lac lui fait peur en faisant flac. As-tu vu le lapin manger de l'herbe, dresser ses longues oreilles? Le castor dans le lac lui fait peur en faisant flac. As-tu vu le tamia près de l'eau, son pelage est si beau? Le castor dans le lac lui fait peur en faisant flac. As-tu vu s'envoler le jet bleu, son plumage est radieux? Le castor dans le lac lui fait peur en faisant flac. As-tu vu qui arrive près de l'eau, un ours au long museau? Le castor a fait flac et s'est caché dans le lac. Leçon 4, activité 1. C'est l'automne. Cric, cric, crac, croc. En marchant sur les feuilles mortes, cric, cric, crac, croc, j'en ramasse de toutes sortes. Une feuille rouge pour toi, une feuille jaune pour moi. C'est l'automne, vous savez, et l'hiver va arriver. Olé! Les animaux vont se préparer. Certains vont hiverner. D'autres vont s'en aller. Et l'hiver va arriver. Olé! Leçon 5, activité 1. Les animaux se préparent pour l'hiver. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Hé, petit ours, qu'est-ce que tu vas faire cet hiver? Cet hiver? Bof, je vais dormir dans ma caverne avec ma famille. Alors, va vite dans ta caverne, l'hiver arrive. Et vous, les hirondelles, qu'est-ce que vous allez faire cet hiver? Nous, on va partir pour le sud. Bon voyage! Écureuil, arrête une minute! Je n'ai pas une minute à perdre. Moi, je ne pars pas pour le sud, comme les hirondelles. Je vais rester ici et remplir mon nid de noisettes. Et toi, gros bec, tu vas partir aussi pour le sud? Non, moi je vais rester ici. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais rester près des maisons. Les maisons d'oiseaux ont beaucoup de graines. Je ne m'inquiète pas. Bonne chance! Et toi, la grosse marmotte, tu vas aller où cet hiver? Moi? Je vais dormir dans mon terrier jusqu'au printemps. Salut! Passe un bon hiver! Leçon 5, activité 2. Tournons, tournons en rond. Tournons, tournons en rond. Tournons, tournons en rond. Changeons de direction et dans nos mains frappons. Son, son, son, ton, ton, ton. Un ourson et un raton. Go, go, go, ti, ti, ti. Berlingot et tan, san, san, san, tan, tan, tan. Un ourson et un raton, go, go, go, ti, ti, ti. Berlingot et clafoutis, tournons, tournons en rond. Leçon 7, activité 1. Au restaurant des animaux. Je peux prendre les commandes. Tu veux quoi, lapin? Et des carottes et de la laitue. Bon, très bien. Et toi, Tamia? Moi, je prends des cacahuètes et des noisettes. Bien. Et la moufette, elle veut manger quoi? De l'herbe et des insectes. Et toi, Loi, tu as décidé? Oui, oui, je vais prendre des graines et du maïs. Et pour le jet bleu, des graines, bien sûr. Non, aujourd'hui, je préfère le bacon. Bon, et pour notre ami Berlingot? Est-ce que tu as... de la pizza? Oui, bien sûr. Est-ce que ce sera long? Non, non, quelques minutes. Leçon 7, activité 2. La danse des ours. La famille ours s'avance sur un pas de danse au son de la musique et des rires du public. C'est d'abord le tour du papa très lourd. Il lève la patte droite, pivote sur trois pattes. Maman ours s'accroupit, se couche sur le dos, se relève étourdie au son des bravos. L'ourson apprenti saute avec énergie, tournant comme une toupie, tout le monde applaudit. Leçon 9, activité 1. C'est quel animal? C'est un animal qui a un museau pointu, une longue queue touffue, quatre pattes noires et blanches, et deux petites oreilles. Leçon 9, activité 2. La moufette. Une petite moufette à bicyclette cherchait des noisettes et des insectes. Une petite moufette à bicyclette cachait des insectes et des noisettes sur une tablette. Quelle drôle de moufette! Leçon 10, activité 1. La surprise de Berlingot. Ce matin, Berlingot se réveille très tôt. Il se lève, et se prépare. Brrr. Il fait froid ce matin. L'hiver va bientôt arriver, pense Berlingot. Il marche dans la forêt. Berlingot aime bien se promener en forêt à l'automne. Il marche longtemps, très longtemps. Et puis Berlingot décide de rentrer chez lui. Il arrive près de sa maison. Oh, quelle surprise! Qu'est-ce qu'il voit? Une moufette près de sa porte. Elle ne bouge pas. Qu'est-ce qu'elle a? Pauvre moufette, elle a une patte cassée. Leçon 10, activité 2. Berceuse de Berlingot à la moufette. Quand j'étais petite et que j'avais mal, maman me chantait cette chanson que j'aimais tant. Elle me prenait dans ses bras, me serrait tendrement et me consolait. Viens dans mes bras doucement. Leçon 11, activité 1. Berlingot soigne la moufette. Pauvre moufette, tu ne peux pas marcher. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais t'amener chez la vétérinaire? Non, je vais te soigner moi-même. Je vais prendre deux abaisse-langues, une bande de tissu, du ruban adhésif et je vais te faire un beau pansement. Ensuite, je vais te nourrir. Mais qu'est-ce que je vais te donner? Ah, c'est vrai! J'ai les graines de mon canari. Je suis sûr que tu vas aimer ces graines. Mais après, où est-ce que je vais te mettre? Tu ne peux pas partir dans la forêt dans cet état. Je ne peux pas te garder à la maison à cause de mon chat et de mon canari. Ils n'aimeraient pas ta compagnie. Alors, je vais te mettre au garage, dans une boîte, et je vais t'adopter pour quelques mois. C'est gentil, une moufette. Leçon 12, activité 2. Le cha-cha-cha de la moufette. Je connais une moufette, quand elle sort de sa cachette, elle ne peut pas s'empêcher de manger et de danser. Elle danse le cha-cha-cha, elle ne manque pas un pas, sur le rythme du cha-cha-cha, elle parcourt le fond des bois. Si tu ne fais pas de bruit, elle ne te fera pas d'ennui, si tu t'approches, elle a peur et t'arrose, oh quelle odeur! Elle danse le cha-cha-cha, elle ne manque pas un pas, sur le rythme du cha-cha-cha, elle parcourt le fond des bois. Elle adore les hamburgers préparés par les campeurs, quand elle a bien trop mangé, elle sent le besoin de danser. Elle danse le cha-cha-cha, elle ne manque pas un pas, sur le rythme du cha-cha-cha, elle parcourt le fond des bois. Quand elle a beaucoup dansé, elle se sent bien fatiguée, elle retourne dans son terrier, faire un sang bien mérité. Elle danse le cha-cha-cha, elle ne manque pas un pas, sur le rythme du cha-cha-cha, elle parcourt le fond des bois. Elle danse le cha-cha-cha, elle ne manque pas un pas, sur le rythme du cha-cha-cha, elle parcourt le fond des bois, cha-cha-cha. Leçon 14, activité 2. Berlingot est triste. Berlingot, pourquoi tu es triste? Je n'aime pas l'hiver. Pourquoi tu n'aimes pas l'hiver? Je ne peux pas marcher dans la forêt. Je ne peux pas voir mes amis, les animaux de la forêt. Et toi, tu vas me quitter. Moi, je ne suis pas triste. Je suis contente. Je n'ai plus mal à ma patte et cet hiver, je vais dormir dans ton garage. Voyons, Berlingot, ne sois pas triste comme ça. Oh! J'ai une idée! Je vais inventer quelque chose de fantastique. Et je crois que je ne serai plus triste. Enrichissement écoute. Activité 1. L'aventure du raton laveur. Il était une fois un beau petit raton laveur qui se promenait dans la forêt. Tout à coup, il dit: mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'arbres. Où sont les arbres? Et v'là, boum, bang! Il se frappe contre un arbre. Comment? Il y a un arbre et je ne l'ai pas vu. Oh, j'ai perdu mes yeux, dit le raton laveur en pleurnichant. Il se frotte les yeux. Mais non, il n'a pas perdu ses yeux. Qu'est-ce qu'il va faire? Il décide d'aller chez un médecin raton laveur qui lui donne de belles lunettes. Maintenant, le raton laveur ne se frappe plus contre les arbres. Il a de belles lunettes. Enrichissement écoute. Activité 4. La fête de l'Halloween. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'octobre. C'est la fête de l'Halloween. La marmotte et l'ours ont décidé de se déguiser. La marmotte a mis un beau costume de citrouille et l'ours, un costume de fantôme. Ils arrivent chez Berlingot. Bonsoir, monsieur Berlingot. C'est l'Halloween. Nous sommes très contents. Je suis madame la citrouille. Et lui, c'est monsieur le fantôme. Nous aimons les fruits et les bonbons. Mais nous prenons aussi de l'argent pour l'UNICEF. C'est très bien, Madame la Citrouille et Monsieur le Fantôme. Je n'ai pas de bonbons, mais je peux vous donner des fruits et de l'argent pour l'UNICEF. Merci. Merci, merci beaucoup, Monsieur Berlingot. Enrichissement écoute. Activité 6. L'Halloween. C'est moi, ma sorcière, incarnée pour chanceur mon balai. La lune m'éclaire dans ma course sans arrêt. Qui est là? Je visite le soir, coiffé de mon très grand chapeau noir, les maisons aux lanternes qui m'attendent, j'en suis certaine. Qui est là? Une fois par année, je vous invite à sortir, masqué, déguisé, pour fêter l'Halloween. Enrichissement art. Activité 3. L'action de grâce. Enrichissement, éducation physique. Activité 1. Musique d'Halloween. Poupée.